Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, « Venez tous deux bon gré mal gré, tous deux dire, nous venons, obéissant. »